Madame la servante, bonjour, me revoilà. Madame la servante, je vous salue bien bas. Madame la servante, je viens vous rapporter. Madame la servante, ce que vous avez oublié. Mais moi, je ne comprends pas. Monsieur, que faites-vous là? Madame la servante, vous avez oublié. Madame la servante, oubliez de m'embrasser. Madame la servante, si vous le voulez bien. Madame la servante, je vous baise la main. Mais moi, je ne le désire pas. Monsieur, vous êtes un goujat. Madame la servante, tant pis pour moi. Madame la servante, ce sera pour une prochaine fois. Madame la servante, je vous salue bien bas. Madame la servante, ce sera pour une prochaine fois.